Bon. Bonjour. Bonjour, mes chers amis. Voilà, bonjour, mes chers amis. Bueskizengaï, Nautilibanda. Et. Bon. Il faut l'attendre à bas masque, surtout si vous voyez dans le bon cabatou. Voilà, Tozali, il semblerait que Baïpsa Kibiso, qui est au pays de Tchapat, n'espace pas Nabangote. Et voilà, Biso Bango Yeyo, tout le coma. Tozali, n'a qu'à qu'il centre. Il y a Milvor, ou Bengi Cornavin, et c'est qu'à Tozo Tchamoutou. Et il semblerait que Tokoyiko le Kasusu na Bishikawanate. Mais en tout cas, Ndenge Tokiti na Pepo, Tomati Train, Tokiti, Toumelikoutou na réception ici à Tchamoutou. Parce qu'il faut bah, vérifier la bah, température et tout. On a présenté le bah, document, il y a le bah, bah, test. Et voilà, tout est libanda. Tout le monde a un peu de chargeur. Il y a un bah, mboka oyo parce que les gens ont un peu de chargeur. Voilà, donc, libanda, tout ça, il y a un masque, un peu oyo. Je pense que celui qui est là, Thibaut, vous travaillez à la cuisine. Voilà. Donc, il y a 4 centres à Cornavin, nous sommes des chargeurs. Et tu es Kozonga. Tu es quitté même au talo. Yonan. Kakamangungu. Bon. Lobby, tous allés. Na kati ya Nations Unies boya kuna to solola boya kuna boyoka ndenge bato basololaka makambo mukili ezali makambo ya lamuka te ya bandundu te ya bayaka te ya Kongo te ya monde ya monde donc bamboka lokola ba toloba Oni ba vraiment ba mikosa à tout moment ba mikosa à tout moment batinda tike na bango na ba COVID oyo batinda tike na bango basayela yo réservation ya hôtel o matana pepo first class vraiment. Vraiment, au nid, vraiment, comme ça. Bon, voilà. Donc, tant les amis guittés, nous avons beaucoup de papiers à préparer. Tant les amis guittés. Donc, bozomona ba forme, il y a ba mbote oyo. Na ébité, ba forme, il y a ba mbote oyo. Na ébité, ce qui Félix a si à zoa, Abandonnez que vous avez un mot de oyo peut-être entre les Milvor et puis les Congolais qui sont complexés. Les Congolais complexés. Moi, na Tshisekedi, il faut qu'on paye un mot. Moi, na Tshisekedi, il faut qu'on paye moi 1000 dollars. Moi, 500 euros. Moi, na Tshisekedi. Mais si vous avez un mot de oyo, il faut qu'on paye un mot de oyo. Même si vous avez un mot de Tshisekedi, il faut qu'on paye un mot de oyo. Vous avez déjà vu un mot de oyo? Moukoloni. Et Tshisekedi tourne juste dans le Congo. Ce qui a manipulé na Kasai te a manipulé na Kinshasa, ce qui a manipulé na Kinshasa te a manipulé na Katanga parce que pour n'importe moi ba Milvor ba zépilé. Vous avez déjà vu Etienne Tshisekedi basa la même invitation à Pamba Yanoni. Mandela même era Azalaki Libanda. Mandela était partout au monde à Mandela, partout on écrivait Mandela. Moi je n'ai jamais vu un livre qu'on a publié hors Congo na mon akombo Etienne Tshisekedi. Mais Mandela, combien de personnes comba Mandela? Bah, mon a été, bah, yoka kaka. Amérique, Europe, Asie, Océanie, partout. Aussi, bon, moi-même combat, tu sais, quelque part. Bon, nous sommes venus pour Namakamwa Mukili. Ce qui, bon, je m'en ai Mukili, et moi, quand même, moi, je trouve la mi-temps qui est allée, mais stabilité. Et Zali, c'est grâce, il y a Baton Soussou, Oyo, bah, mon Akeno, bah, consultation, voilà. Donc, le vrai consultation de Yangoui. Bah, vraie consultation. Alors, ce que vous voyez, le système, il y a Nations Unies, il y a Genève, vous voyez, bah, t'es dans le mois de décembre, héros, yo, babenga, banane. So, yebi, yo, yebi, so, yebi, yo, yebi, dans le mois de décembre, dans le moment où yo, babenga, kabanani, bah, yana, oni. On a stabilité à Mokili. Voilà, mes chers amis, en tout cas, Lélo n'a rien à thème mon côté, n'a rien qu'à juste pour nous informer. Bande Konabiso, bah, mes frères et sœurs, Milouvor, qui est aux allées na terrain à Bango, pour 2 jours. Hein? Alors, bah, au bas, na Londres, bah, au bas, promettez que Bissot qui est au Koyakotia, pat côté. Bah, au Bazali na Londres, au Bazali na France, au Bazali na même la place Tozali, na Belgique, bonjour, bonjour, train, train, bonjour, et donc, pour na 2 jours, Oyo, na Sina Ebisibino, lobby, salle, na Pessi, na Facebook, na Tché Combo ya salle, Boya na Salouana, tout solo là. Alors, ce qui peut bolingi, na moni à mon côté, peut-être Boye Bakiti. Donc, moi, R à repos, na zo baluka, na bangambo ya Cornavin. Ah, na centre Cornavin, ici, kawana, les alis centre, ya ba train yonso. Et puis, so, pour ça, moi, mouke na Sekuna, pour moi, na ba arrêt ya ba bis, ba ben, inter-pays ou bien inter-quoi, na éviter. Alors, les alis, na centre Cornavin. Puis, ce qui vraiment me kanda bozala na ngo ya solo na Facebook ya ko intimider biso ezali venez et si ka tozo vanda pe ezali hotel ya kala ya Mobutu ah Mobutu propriétaire na ngo kala ezala ka Mobutu alors tozali wana venez Tout le monde est alerté. Venez. Voilà. Bon. En tout cas, mes chers amis, vous excusez-moi. Ils ont dit juste, n'appelez ça bonjour. N'appelez pas ça bonjour. Et n'appelez prof Yombi, ma pro, ma fan prof Yombi, s'il vous plaît, ceux qui n'appelez ça qui au rendez-vous, ne venez pas. Et d'ailleurs, j'ai informé partout, même Nassé, ceux qui n'ont pas ça qui rendez-vous ne venez pas. Et ceux qui voyez par toi-même, j'ai tout informé, j'ai expliqué que Nazali n'a force physique, mais au cas où un milvor sautait sur moi, beaucoup de langage, pardon. Alors, Kuna Nyon Sonassé va noter, même si l'équipe Moussouchéye, Bagotika ba notice que cuisinier moko azo lamba na chambre numéro tel bossa l'attention mutu moko akene ko déranger soupu na yedi alors ba oyo na yebisaki ke na ozala kuna bakoya ba yebali bango ba yebi bakoya peut-être tout de suite là dans quelques minutes tu reçois bande ko nanga mibale soki to bimi bo mona ba photo na bango. Et les restes, ceux qui vraiment n'ont pas ça qui rendez-vous, ne venez pas. Voilà. Merci. Et Nazongi les sous na Cornavin. Nazongi na Cornavin, boutique à la madame. Naquel Luca et l'homme sous na bossana qui na somme. Merci. Allez. Bye. Mais il faut arrêter. Qu'est-ce que je fais moi?